pique dans les seins et sur la peau. Gémis de locure et de torpeur. Já é madrugada. Gémis de preguiça.